Dernières aventures de Crusoé par Charles de Rennes. Mon voyage fut heureux et j'arrivai en Angleterre le 11e de juin de 1687, ayant été hors de ma patrie 35 ans. Au-dessous de quoi Robinson inscrivit « fin » en gros caractères. Vivre sa vie est bien. La vivre une seconde fois en la comptant par le détail devient fastidieux à la longue. Robinson était charmé d'avoir terminé ses mémoires. Pieux par nature et par habitude, gardant son île privée longtemps de toute société humaine, il avait dû se résigner à converser avec Dieu. Il en profita pour remercier le ciel. « Seigneur, pensait-il à peu de choses près, le soleil luit bien doucement sur ce quartier à demi rustique de Londres où j'ai pris ma retraite. La vie est belle. Les revenus de mon comptoir brésilien assurent mon existence et mes cousins du Yorkshire, bien que me croyant mort, ne m'ont pas fait à mon retour trop grosse mine. Ici s'arrête mon histoire. Grâce vous soit rendue, Seigneur. Je n'aurai plus désormais d'histoire. Il ne me reste qu'à être heureux. » Et Robinson se mit en devoir de l'être. Déjà, il commença à se rendre compte que le bonheur parfait ne va pas sans quelque monotonie, lorsque des événements imprévus transformèrent son naissant ennui en humeur noire. Le perroquet qu'il avait rapporté de son île jacassait des lobes de la plus assourdissante façon, et les voisins exigèrent que Crusoé lui tordît le cou. Il y fut contraint par les sergents du roi, après s'être mis dans un mauvais cas, pour avoir haussé un de ses compatriotes qui lui chantait pouille à propos de la bestiole. Mais celle-ci lui était chère, et il eut des remords. « J'aurais dû, pensait-il, plutôt que de laisser s'accomplir ce crime, tirer sur les sergents du roi comme je fis jadis sur les cannibales. » Peu après, longeant dans la campagne un verger chargé de fruits, il en cueillit innocemment quelques-uns et se mit à les manger en remerciant Dieu qui couvre les arbres de fruits sur les pas de ceux qui ont soif. Mais le maître du lieu survint, qui parla de prison et de lâcher ses dogues sur le voleur. « Seigneur, murmura Robinson dans le fond de son cœur, c'est donc seulement dans les îles désertes que votre providence se manifeste pleinement à vos fils. » Il devint misanthrope, traita publiquement sa cuisinière d'empoisonneuse et son savetier d'assassin. Les mets qu'on lui servait lui paraissaient détestables, et ses souliers le faisaient souffrir. Il excita les rires, puis la haine, n'admettant pas les rires à son endroit. Il n'eut bientôt plus qu'un homme à qui parler, John Camvrel, le brocanteur. Ce n'était point, ce brocanteur, comme on pourrait croire, un vieillard avaricieux et sordide, mais un garçon de bonne mine et d'esprit éveillé. Robinson s'était pris d'amitié pour lui en conversant au seuil de sa boutique, et depuis, sur le soir, il le voyait souvent arriver en son logis. John Camvrel parlait volontiers de sa vie, laquelle avait été fort diverse. Élevé pour être d'église, il avait dû y renoncer faute d'argent. Alors il avait été tour à tour pamphlétaire, balayeur et commis chez un bonnetier qu'il avait dû quitter, ayant trop plu à son épouse pour ne pas lui déplaire. « Ma barque, disait-il, fut ballottée par bien des tempêtes. Mais je ne compte pas m'endormir dans le port paisible où je me repose pour l'instant. À mes moments perdus, j'écris un traité contre les Turcs, et je le signerai de mon vrai nom, un nom que j'entends réserver à la gloire. « Quand j'étais dans mon île, répliquait Robinson. Ainsi, celui-là parlant d'avenir, celui-ci du passé, ils se confiaient doucement l'un à l'autre. Mais au meilleur moment de l'entretien, des bruits divers de chutes, de chansons bizarres ou de vaisselle brisée retentissaient dans la pièce voisine. « Hélas !» s'écriait douloureusement Crusoé, « c'est mon gueux de sauvage qui est encore ivre. » Dans les premiers jours du retour en Angleterre, Vendredi accompagnait son maître le long des rues, et de temps à autre, pour lui marquer sa soumission, il se jetait à plat ventre au-devant de ses pas, comme il avait accoutumé dans l'île. Alors les passants faisaient cercle ahuris, les chiens inquiets jappaient. Au milieu des quolibets et des rires, Robinson se hâtait de disparaître, mais Vendredi savait ce qu'exigeaient les règles de la politesse puérile et honnête de sa race. Et d'ailleurs, Robinson courait moins vite que lui. « Béni soient les fétiches, pensait le sauvage, et le plus grand de tous, qui s'appelle Dieu, puisqu'ils ont mis Crusoé sur ma route. Sans les fétiches, Dieu et Crusoé, je dormirai sur le sol, et non sur un lit moelleux. Je mangerai encore les plus vieux et les plus maigres de mes frères, au lieu de sentir fondre dans ma bouche la chair de mouton bien engraissée. Et j'ignorerai les vertus de ces breuvages, nommés vins, rack ou ale, qui remplissent mon cœur de force et inspirent à mes jambes des danses pleines de noblesse et de beauté. Sur quoi, le cœur gonflé de reconnaissance, il se prosternait de nouveau sur le sol, aux pieds de son maître. Un jour, l'ayant fait avec trop de hâte, il fut cause que Crusoe échut. « Vendredi !» gronda celui-ci en se relevant furieux et meurtri. « Tu es mon domestique et non mon esclave. Puisque ton âme sans dignité se refuse à le concevoir, je te marquerai du moins dans ton intérêt, par un cruel souvenir, la peine que ta bassesse me fait. » Et il roua de coups l'infortuné sauvage, qui revint au logis en poussant de longs hurlements de douleur. Bientôt, Crusoe, ne sortant plus, Vendredi erra dans le quartier piteux comme un chien sans maître. On affirma qu'il mourait de faim, qu'il était chaque jour battu comme plâtre, et comme on détestait Crusoe, il devint sympathique. On le nourrit et on le caressa comme un animal curieux. Il rendit 1000 services, lava la vaisselle, charma les commères en tranchant d'un coup de dent la tête d'un canard vivant destiné à la broche. Les besognes les plus répugnantes ne l'effrayaient pas, et il n'était pas exigeant pour le paiement. Il dansait à la pensée de lécher une assiette sale, et pour un verre de bière, on lui faisait accomplir les plus réjouissantes excentricités. Bientôt la contenance de son estomac devenant légendaire, par curiosité, pour voir jusqu'où cela irait, on le gorgea avec le rebut des aliments et les fonds de bouteilles. Il acceptait tout, la bouche ouverte jusqu'aux oreilles par un sourire de gratitude infinie. Il avait une amie véritable, Kate Kinsby, une fille du voisinage. Pauvre de mauvaises mœurs. Une naïve sympathie s'était établie entre le sauvage et la gueuse dont les âmes étaient au même niveau. Lorsque Kate avait quelque monnaie, elle achetait du gin et appelait Vendredi. La bouteille bue, Vendredi, auprès de Kate, sentait vaguement du fond de son ivresse une main caresser sa tête crépue, et l'extase arrondissait ses yeux blancs. Ainsi Vendredi était heureux. Il se rendait d'autant plus compte de son bonheur que celui-ci ne l'accablait pas complètement. Car il y manquait quelque chose. La tunique rouge à galons d'or qui pendait à l'étal de John Camrell. « Je vois souvent, dit un jour celui-ci à Robinson, votre sauvage rôder devant ma boutique. Il contemple apparemment un arc brésilien que j'achetais récemment à un matelot. Dans son âme avilie, à la vue d'un objet qui lui rappelle sa terre natale, il y place encore pour un rêve vague et douloureux. Et hélas, que n'ai-je laissé ce pauvre garçon dans sa patrie ? S'écria Robinson, plein de tristesse. Sa tristesse avait d'ailleurs d'autres causes que le remords au sujet de Vendredi. Il sentait de jour en jour la haine autour de lui grandir et devenir menaçante. Il ne s'étonna point, un soir, d'entendre John Camrell, accouru fort effaré, lui dire « Fuyez, pour l'amour de Dieu, des gens prétendent avoir vu le diable chez vous et, sous prétexte de sorcellerie, veulent vous faire pendre. » Robinson eut un sourire amer en désignant les défroques du diable. Sa veste et son bonnet de peau de chèvre qu'il revêtait parfois depuis quelque temps, poussés par une sorte de nostalgie. « Gardez cela, dit-il à son ami, et gardez aussi mes mémoires en souvenir de moi. » Puis il réveilla Vendredi, qui cuvait son vin dans un coin, et tous deux, à la faveur de la nuit, partirent. « Signor Inglés, disait à Robinson, le capitaine du vaisseau portugais où il s'était embarqué, « vous êtes bien le plus drôle de corps que j'ai contemplé de ma vie. Vous arrivez sur mon pont à la nuit noire et vous payez passage pour vous et votre laquais sans même me demander vers quelle terre nous faisons voile. Et depuis, vous ne semblez vous départir de votre tristesse familière que lorsque quelque bourrasque fait rage, comme en ce moment-ci. « Capitaine, dit Robinson distrait, croyez-vous pas qu'il y ait quelque terre inconnue dans ces parages ?»« Signor Inglés, dit le capitaine, si elle est inconnue, c'est apparemment que nous ne savons pas qu'elle existe. Et puisque je ne sais pas si elle existe, comment pourrais-je affirmer qu'elle n'existe pas ?» Ainsi parla le capitaine qui était sage. Cependant, l'ouragan faisait rage, les mâts gémissaient, les lames soulevées en tous sens faisaient craquer les ais de la coque. « Capitaine, dit Robinson radieux, je crois que le navire est prêt de sombrer. « Morbleu, dit le capitaine, voilà qui passe la mesure. Signor Inglés, êtes-vous dément ? Regardez votre laquais qui pleure à chaudes larmes. Mieux vaudrait certes qu'il nous aidât. Mais tout sauvage qu'il est, il fait plus que vous preuve de bon sens. Je sais, depuis 2 jours, les causes de ses larmes, dit tranquillement Crusoe. Il ne craint pas la mort. Il regarde Kate Kinsby et une tunique à galons dorés. Le capitaine n'eut pas le loisir de s'ahurir davantage car une vague l'emporta. Au même instant, le vaisseau échouait sur un banc de sable. Terre, terre ! Cria la vigie comme par hasard. Déjà l'eau bouillonnait au ras des bastingages. Voilà qui est bien, pensa Crusoe, et il se précipita dans la mer en entraînant Vendredi. Naturellement, après avoir risqué la mort 1000 fois, ils abordèrent dans une île. Alors Robinson, errant sur le rivage, rendit grâce au ciel et plaignit ses infortunés compagnons de voyage qui, sans nul doute, avaient trouvé la mort sur le vaisseau. « Je ne manquerai pas de m'attendrir longuement sur eux, » dit-il à Vendredi, « quand nous irons demain, après un sommeil réparateur, chercher sur le vaisseau les objets indispensables à notre vie. » Et il se souvint qu'il y avait du rhum dans la cambuse et des armes dans la cabine du capitaine. Hélas ! Après 3 jours d'attente, il connut que le vaisseau s'était perdu corps et bien. Il n'en restait nulle trace à l'horizon et les vagues n'apportèrent même pas de débris. Les 2 naufragés soutinrent péniblement leur force en mangeant des coquillages et en buvant d'une eau saumâtre. Ils allèrent à la découverte. L'île, aride et désolée, n'offrait aucune ressource. « Seigneur, s'écria Robinson, vous n'êtes pas gentil. Je ne voulais pourtant que vous fournir une fois de plus l'occasion de manifester votre providence. » Mais le Seigneur ne répondit pas, ce qui d'ailleurs ne prouve rien contre sa bonté, car en agissant ainsi, il avait ses desseins, lesquels, comme on sait, sont impénétrables. Robinson, épuisé, mourut à quelques jours de là. Vendredi était plus jeune et robuste. Resté seul, il hurla tant et tant sur un roc au passage d'un navire que les matelots l'ouïrent et le recueillirent. Après divers avatars dont nous n'avons ici que faire, il revint à Londres, se corrigea de son ivrognerie, acheta la tunique rouge et se maria avec Kate Kinsby. Il en eut toutes sortes d'enfants dont la teinte variait du brun olivâtre au marron tendre. C'est de sa bouche que les rats privilégiés ont recueilli la véridique histoire des derniers moments de Robinson. Un dernier mot sur John Camerel. Sous son nom réel, qui était Defoe, il publia le manuscrit de Robinson en s'en attribuant le mérite. Ce lui valut quelques gloires et il en profita pour rendre Crusoe responsable de tout un autre volume d'aventures où le malheureux n'était pour rien. Defoe n'en mourut pas moins dans le dénuement après avoir vécu dans la misère. Ceci contribuerait à prouver la justice, ou ce qui est tout un, la bonté de la Providence, si les mémoires authentiques que l'on possède de Crusoe n'y suffisaient largement. C'était « Dernières aventures de Crusoe » par Charles de Rennes.